L'OMS attaque les détracteurs de la vaccination. Dans une publication de janvier 2019, l'OMS a déclaré que le scepticisme à l'égard de la vaccination était une menace mondiale. En fait, les opposants à la vaccination seraient une menace sociale et ils sont ainsi exposés à la diffamation et à l'exclusion légale. Dans ce contexte, les politiciens et le corps médical ont immédiatement exprimé la demande d'obligation vaccinale, bien que la vaccination obligatoire viole la loi fondamentale allemande. Néanmoins, on insiste beaucoup pour forcer la population à accepter la vaccination obligatoire. On a l'impression qu'avec le soutien de l'OMS, le projet de loi fera finalement taire les détracteurs de la vaccination.